our retreat. We will start opening ceremony. Today is 12th of February, year 2015. So first of all, I have to greet you all. Very glad to see you here. Want to learn real the Vipassana meditation to train our mind to be better quality to understand of our life. Je suis très heureux de me trouver ici à Damaranci pour cette retraite. Je suis heureux de vous voir réunis ici pour pratiquer la méditation Vipassana pour entraîner votre esprit de façon à mieux comprendre la vie. Donc, ceci est la première soirée de cette retraite et en général, on commence toujours par expliquer aux méditants comment ils doivent pratiquer. On va donc donner les premières instructions pour la méditation. Je peux constater, j'ai vu d'après la liste des méditants qu'il y en avait beaucoup parmi vous qui étaient des méditants expérimentés. Mais de façon très brève, je voudrais tout de même expliquer que Vipassana, c'est une étude, une observation, une investigation de soi-même dans le but de comprendre la vie telle qu'elle est vraiment. Au cours de notre pratique de Vipassana, nous allons donc nous efforcer d'observer très attentivement tout ce qui pénètre en nous par les 6 portes sensorielles. Le but, c'est de comprendre ce que signifie voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre en quoi consistent les 6 contacts sensoriels, autrement dit, la vie. Au début, c'est très difficile d'observer ces 6 contacts sensoriels, tout simplement parce que l'esprit est encore à l'état naturel, donc très agité. En général, notre esprit est très agité. Si nous voulons réussir à comprendre en quoi consistent réellement ces 6 contacts sensoriels, il faut commencer par développer la concentration et l'attention. Ce sera donc notre premier travail. Ce n'est que lorsque l'attention et la concentration auront atteint un certain niveau que nous pourrons réussir à comprendre les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. Comment allons-nous faire pour développer l'attention et la concentration? Nous allons pratiquer les 4 postures traditionnelles: la posture assise, la posture debout, la posture allongée et la posture en marche. Ces 4 postures recouvrent l'entièreté des mouvements qu'on est susceptible de faire au cours de la journée. Tout est inclus dans ces 4 postures. Si nous voulons réussir à contrôler notre esprit, nous devrons nous entraîner avec un objet qui convient. Si nous ne disposons pas de cet objet qui convient, nous allons essayer de nous concentrer sur tout ce qui se manifeste et notre esprit va devenir agité. Nous devrons donc trouver un objet approprié et nous devrons maintenir notre esprit sur cet objet. L'esprit à l'état naturel est toujours en quête d'un objet. Si nous ne lui donnons pas un objet approprié, il ne sera pas possible de calmer l'esprit. Il faut donc lui trouver cet objet approprié. En posture assise, cet objet approprié sera l'abdomen, les mouvements de l'abdomen. Chaque fois que vous inspirez, votre abdomen va se soulever. Chaque fois que vous expirez, votre abdomen va s'abaisser. Nous devons nous concentrer sur la sensation de mouvement, le mouvement qui se produit dans l'abdomen au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration. Nous ressentons ce mouvement et nous l'étiquetons mentalement en répétant doucement « soulèvement » lorsque nous ressentons le mouvement de soulèvement, « abaissement » lorsque nous ressentons le mouvement d'abaissement. Nous faisons cela dans l'instant présent, au moment précis où ces mouvements se produisent. Et nous le faisons de façon continue, sans interruption. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont de très bons objets parce qu'ils sont toujours présents en nous. Ils sont provoqués par la respiration et nous respirons toujours. Si nous ne respirions plus, nous serions morts. Nous devons donc nous efforcer de ressentir ces mouvements, de les étiqueter mentalement, et petit à petit, nous comprendrons leur nature. Après une dizaine de minutes, si nous réussissons à nous focaliser sur ces mouvements sans interruption, l'esprit va petit à petit être contrôlé. Nous entraînons donc notre esprit avec les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ressentir les mouvements, les étiqueter, faire cela de façon continue, ininterrompue, arriver à calmer l'esprit. Il n'y aura alors plus beaucoup de pensées. C'est de cette façon que nous allons développer notre attention et notre concentration. Donc, en posture assise, l'objet primaire d'attention sera l'abdomen, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous essayons de maintenir notre attention le plus longtemps possible sur ces deux mouvements, soulèvement et abaissement de l'abdomen. Après une demi-heure, parfois trois quarts d'heure, des sensations désagréables vont faire leur apparition. Il y aura toutes sortes de douleurs, des tensions. Si notre esprit réussit à se maintenir sur l'abdomen malgré ces sensations désagréables, c'est très bien. Restons sur l'abdomen. Mais si ces sensations désagréables, autrement dit cet objet secondaire, est dominant, supplante l'abdomen, qu'il est plus clair que l'abdomen, qu'il dérange notre observation de l'abdomen, il est nécessaire alors d'abandonner l'abdomen et de se focaliser sur l'objet secondaire, autrement dit la sensation désagréable. Cette sensation désagréable n'est pas toujours là, c'est un objet secondaire. Par contre, l'objet primaire, les mouvements de l'abdomen, sont toujours là, toujours présents en nous. Mais si l'objet secondaire supplante l'objet primaire, nous nous focalisons sur cet objet secondaire. Nous notons alors mentalement douleur, douleur, ou engourdissement, engourdissement, ou tension, tension. Nous essayons de nous focaliser de façon pénétrante sur cet objet secondaire. Nous l'observons attentivement, sans interruption. Et nous pourrons peut-être voir que cet objet secondaire change de forme, qu'il se déplace, qu'il disparaît. Nous verrons toutes sortes de changements au niveau de cette sensation désagréable. Lorsqu'elle sera devenue plus facile à supporter, qu'elle ne supplantera plus l'objet primaire, nous revenons au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Donc, nous avons vu l'objet primaire d'attention et les objets secondaires d'attention, les sensations désagréables qui se manifestent de temps à autre. Il y a un troisième objet, c'est la somnolence et la torpeur. Si vous êtes pris par la somnolence et la torpeur, que vous constatez que votre esprit s'est mis à somnoler, vous devez immédiatement noter cet état d'esprit. Vous notez somnolence, somnolence. Vous devez fournir plus d'efforts pour vous en débarrasser. Vous devez être plus attentif. Votre esprit, lorsqu'il somnole, flotte à la surface de l'objet. Il ne le pénètre pas. Si vous ne réagissez pas, que vous le laissez flotter à la surface des objets, vous perdrez votre temps. Vous ne réaliserez aucun progrès. La somnolence et la torpeur est un très grand empêchement à la concentration. Vous ne voyez pas clairement les objets. Il faut donc que vous vous en débarrassiez au plus vite en fournissant plus d'efforts. Un autre empêchement, c'est la pensée. Si vous réussissez à maintenir votre attention sans interruption sur l'objet primaire, sur l'abdomen, il n'y aura pas beaucoup de pensées dans votre esprit. Mais dès que vous vous relâchez, que vous n'êtes plus aussi attentif, les pensées vont s'infiltrer. Si c'est le cas, vous devez immédiatement les noter et revenir à l'abdomen. Vous notez, pensez, pensez, et vous revenez à l'abdomen. Le problème, c'est que parfois, on ne se rend pas compte qu'on est occupé à penser. Et cette pensée va durer un certain temps. Nous perdons alors notre temps. Essayons donc de voir les pensées dès leur apparition, le plus vite possible, et notons alors pensée, pensée. Revenons tout de suite à l'objet primaire. Parfois, ce sera difficile de se débarrasser des pensées parce qu'elles sont très agréables. Il ne faut pas non plus analyser le contenu des pensées. Contentez-vous de noter pensée, pensée. Si votre attention est développée, vous verrez les pensées très rapidement, dès leur apparition. Il est donc très important d'essayer d'être attentif à l'objet primaire pendant toute la séance, de façon à voir apparaître rapidement les empêchements. C'est de cette façon que vous allez pouvoir progresser rapidement. Donc, c'était les instructions pour la méditation en posture assise. Il y a 4 points. Le premier, c'est de rester le plus longtemps possible sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Le deuxième point, c'est de noter les douleurs, les sensations désagréables ou toute autre sensation lorsqu'elles se manifestent. Le troisième point concerne la somnolence et la torpeur. Et le quatrième point concerne l'agitation, les pensées. Si vous avez beaucoup de pensées, forcément, votre esprit va devenir agité. L'esprit doit donc se maintenir le plus longtemps possible sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Les instructions pour la posture assise sont donc très faciles à comprendre. Après 1 heure de méditation en posture assise, vous allez passer à la marche. Lorsque vous pratiquez la marche attentive, c'est la jambe qui devient votre objet primaire d'attention. Vous focalisez votre attention sur la jambe et vous le faites sans discontinuer à chaque pas. Vous marchez lentement si possible. Après avoir fait cela pendant quelque temps, votre esprit se sera concentré et vous passerez à la deuxième méthode qui consiste à faire 2 notes à chaque pas. Et après, vous passerez à la troisième méthode qui consiste à faire 3 notes à chaque pas. Votre esprit doit donc suivre le mouvement attentivement et sans interruption. Lorsque votre pied s'élève, vous notez « lever ». Lorsque votre pied s'avance, vous notez « avancer ». Lorsque votre pied descend, se pose, vous notez « placer ». Vous devez donc synchroniser la prise de conscience avec le mouvement. Si vous réussissez à maintenir votre esprit fixé fermement sur le mouvement, que vous l'observez sans interruption, il n'y aura aucune pensée qui vont s'infiltrer. Pensée est un grand empêchement à la concentration. Lorsque vous pratiquez la marche attentive, essayez donc de maintenir votre attention sans interruption sur les jambes, sur les pieds. Lorsque vous arrivez à la fin de la piste de marche, vous notez la posture debout. Ensuite, vous notez le mouvement de rotation. Vous répétez mentalement « tournez, tournez ». Et puis de nouveau, la posture debout. Si vous procédez ainsi, votre concentration va progressivement se développer. La concentration que vous développez pendant la marche va vous aider lors de la séance en posture assise qui va suivre. Elle est donc très bénéfique. Vous devez essayer de développer ainsi votre attention et votre concentration pendant toute la journée, que ce soit en posture assise ou en marche. Vous devez faire un effort pour développer votre attention sans interruption. Donc, nous allons pratiquer en posture assise, en marche, mais nous allons aussi pratiquer la posture allongée et les activités quotidiennes. Lorsque nous pratiquons en posture allongée et dans les activités quotidiennes, nous devons essayer de ralentir nos mouvements. Nous devons noter toutes les activités que nous sommes amenés à faire tout au long de la journée, que ce soit par exemple ouvrir une porte, s'habiller, monter l'escalier, etc. Il faudra surtout pratiquer au moment du repas et être très attentif au moment où on prend son repas. Nous devrons développer ainsi notre attention et faire l'effort d'être attentif à toutes ces activités jusque tard le soir lorsqu'on ira se coucher. Il faudra également être attentif quelle que soit l'activité qu'on est occupé à faire. Si on se rend à la salle de bain par exemple, il faut être attentif à tous les mouvements qu'on est amené à faire. C'est de cette façon que nous allons réussir à maintenir notre esprit sous contrôle. Lorsqu'on se retrouve allongé sur son lit, il faut éviter de penser. Une fois allongé, il faut observer les mouvements de l'abdomen. Garder l'esprit sous contrôle veut dire qu'il faut être attentif sans interruption tout au long de la journée. Notre attention va ainsi pouvoir très rapidement se développer. Nous sommes ici en retraite pour 2 semaines, ce n'est pas beaucoup. Essayons donc de ne pas perdre notre temps. Soyons constamment attentifs. Si nous réussissons à voir et à rester attentifs au mouvement de l'abdomen et à tous les objets qui se manifestent à chaque instant, à tout ce qui apparaît dans le corps et dans l'esprit, nous réussirons à comprendre en quoi consiste la vie. Les connaissances vipassana vont pouvoir se développer et ces connaissances vipassana vont nous mener à la libération. Nous essayons donc de développer notre attention et notre concentration de façon à comprendre en quoi consiste réellement notre corps et notre esprit. Parler pendant une retraite est un très grand empêchement. Essayons donc d'éviter de parler, surtout dans la salle de méditation. Essayons d'être toujours attentifs à tout ce que l'on fait. Restons dans l'instant présent. Si nous restons dans l'instant présent, nous pourrons nous libérer de la souffrance. Les instructions que je viens de donner sont suffisantes pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être capables de développer votre compréhension vipassana, de comprendre la réalité et de vous libérer de la souffrance. May you all be able to try vipassana meditation to understand the reality and to free from all the suffering. Sadhu. Sadhu.